Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Véronique Gallo. Bonjour Véronique. Ben bonjour Sofiane. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ah ben je suis ravie. Je trouve ce sujet très intéressant parce qu'en effet, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Oui. Ah ben ça nous réunit tous, hein. Là, les humoristes, toutes nos galères nous réunissent et nous rendent plus proches au final. C'est clair. Ah ben, je pense qu'après, ça fait partie du vécu et c'est ça qui est très bien. C'est ça qui nous construit. C'est ça, et on en rigole ensemble. Et c'était justement cet univers-là de rigolade quand on est dans les loges et qu'on se raconte des galères. C'est ce que je voulais transposer dans le podcast. Eh ben, c'est génial comme idée. Eh bien, merci beaucoup. Et ravi de pouvoir t'écouter aujourd'hui. Donc, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Alors, écoute, j'en ai plein. Ça, c'est vrai que voilà, moi, j'ai la chance d'être sur scène depuis 2008. Alors, c'est vrai que j'ai pas toujours été caractérisée comme humoriste parce que je faisais du seul en scène. C'est comme ça que ça s'appelle ici en Belgique. Donc, c'est vraiment des spectacles avec un seul personnage, avec une histoire qu'on raconte. Donc, ce ne sont pas des sketchs. Mais j'ai vécu des vertes et des pas mûres, comme on dit, surtout au début. Alors, je peux en raconter plein. Il y en a une notamment au tout début, évidemment. C'est vrai que quand on débute, on n'a pas toujours le choix de là où on va jouer. C'est-à-dire qu'on est tellement content d'avoir des dates qu'on est prêt à prendre, entre guillemets, presque tout et n'importe quoi pour pouvoir monter sur scène, pour pouvoir être avec les gens, etc. Et donc, j'avais accepté au tout début de ma carrière, j'étais avec un spectacle qui s'appelait « On ne me l'avait pas dit ». Et j'étais dans une toute petite salle, un peu de village, comme ça, un truc. C'était tout petit, hein, je crois qu'il y avait 100, 120 personnes. J'arrive là-bas sur place pour jouer. Sauf qu'évidemment, à cette époque-là, alors ça, je pense qu'il y a plein d'humoristes qui peuvent raconter plein de trucs là-dessus. J'étais tellement flippée à l'idée de monter sur scène. Alors, il y en a qui ont plein de symptômes. Hein. Il y en a qui s'endorment, il y en a qui tombent dans les pommes, il y en a. Enfin, voilà. Moi, je me vide dans tous les sens du terme. Hein, c'est extraordinaire. Enfin, ça ne Ça, m'arrive c'est plus très courant. aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment. Enfin, voilà. C'était assez Sans drôle. mauvais jeu de mots, c'est très courant. Voilà, il paraît que c'est très courant. Donc voilà, et le corps exprime des choses. Hein. Et j'arrive à cet endroit. Et on me montre les loges, et en fait, il n'y a pas de loge. Et donc, on me dit, Déjà. voilà, en fait, les loges, c'est derrière le Pendrillon. Mais Pendrillon, qui était déjà trop court, donc il n'arrivait même pas jusqu'à la scène. Donc, en fait, on allait voir globalement de mes pieds jusqu'à mes mollets, un peu comme dans une cabine d'essayage, quoi, où on se retrouve avec des grandes chaussettes. Enfin, bon, c'est le genre de truc de suspense. Et je regarde l'organisateur et je lui dis, oui, d'accord. Je dis, mais donc, ok, je veux bien m'habiller là, il n'y a pas de souci, mais où sont les toilettes? Hein, forcément, puisque c'était ma préoccupation principale. Et là, il me dit, oui, nous avons des toilettes, mais alors vous devez traverser la salle où les gens seront installés pour aller aux toilettes. Oh là Et là là, quel... je te jure, j'ai fait une tête, je crois. Enfin, je ne veux pas dire que j'ai failli pleurer, mais enfin, je lui ai dit, écoutez, ça ne va pas du tout là. Enfin, je lui ai fait croire que j'avais une gastro, mais bon, je n'avais pas du tout de gastro, c'était juste le stress. Parce qu'en plus, il m'explique que puisque c'est une salle de village, les gens aiment bien se rencontrer, donc ils seront là probablement 1 heure et demie avant le spectacle. Donc, en gros, j'allais rester planquée derrière mon pendrillon, ce que j'ai fait d'ailleurs. Hein, je suis restée planquée pendant 1 heure et demie. Et je lui dis, oui, mais enfin, je dis, ça va pas, je vais pas traverser la salle devant les gens pour aller dans la seule toilette où en plus tout le monde faisait la file. Et il me dit, mais écoutez, on va faire très simple, je vais vous mettre un seau. Et c'est là qu'on se dit, voilà, après, je suis 12 ans après, alors j'ai la chance de faire des très grandes salles, le Casino de Paris, le Cirque Royal de Bruxelles, etc. Maintenant, je veux dire, tu amènes ton propre seau, tu connais le truc J'amène maintenant. mon propre seau. Enfin, je veux dire, c'est extraordinaire parce que honnêtement, je me revois derrière ce pendrillon avec mes pieds qui dépassaient du pendrillon et ce seau que j'ai fixé pendant 1 heure et demie en me disant, mais je vais mourir, moi, ici, je vais mourir. Et bon, bah, écoutez, le corps est bien fait. Je pense que mon corps a entendu le message et j'ai réussi à rester 1 heure et demie derrière ce pendrillon caché avant de monter sur scène sans devoir aller à la toilette. Donc, il y a des miracles de la vie comme ça. C'est assez formidable. Enfin, j'y pense toujours. À chaque fois que je vais dans une grande salle, je me dis, il ne faut pas que j'oublie d'où je viens et que je vienne derrière un pendrillon avec un seau. J'avoue que venir de derrière un pendrillon avec un seau, j'avoue que ça laisse les pieds sur terre, hein. C'est pas possible de Ah, prendre la ça, grosse tête ou quoi. je te jure Ah que ouais, ça, là vraiment. vraiment, je m'en souviens. Je m'en souviens très bien. Mais c'est génial. Mais tu sais, quelque part, je me dis que peut-être le titre de ton spectacle venait de là. Tu vois. Oui, tout à fait, tout était lié en fait. Mais c'est ça qui est magique hein, quand on débute dans un métier, c'est qu'on découvre, évidemment, on le fantasme d'abord tellement avant d'oser se lancer, et puis une fois qu'on y est, on découvre évidemment tout, voilà, tout, à la fois la magie, mais à la fois la réalité de ce que c'est de monter sur scène, etc., d'être tout seul. Mais c'est une école de vie, hein, c'est extraordinaire. Totalement, oui, on apprend de nos erreurs, on apprend de nos galères, et là j'avoue que c'était quand même bien gratiné hein, de se retrouver avec un seau comme ça, ouais, pour faire ses besoins, quoi. C'est quand même waouh. Wow, mais c'est beau, au moins ça nous permet d'avoir cette belle anecdote. Et après, ce qui est magnifique, c'est qu'évidemment il y a toujours des gens qui ont très envie d'organiser des spectacles. Ça, je suis sûre que tous les humoristes connaissent. On se fait tous contacter par des gens qui disent voilà, en fait, pour un souper ou un dîner de fin d'année avec mon entreprise, on aimerait avoir quelqu'un. Et alors, je me suis retrouvée dans des situations où on arrive et c'est genre un repas choucroute, quoi. Et c'est un repas choucroute. Et en fait, on doit jouer devant des gens qui mangent de la choucroute et qui sont déjà tous un peu sous parce qu'évidemment, c'est leur fête de boulot de l'année. Donc, ils ont déjà bu je ne sais combien d'apéros. Et donc, j'ai vécu comme ça toutes sortes de choses. Mais je pense que si on met… C'est ça qui est génial dans ton podcast, c'est qu'une fois qu'on va rassembler toutes les anecdotes de tout le monde, ça va faire un fameux matériau, quoi. Et ben merci à toi parce que franchement c'est vrai que on a ces galères là des fois honnêtement moi je si tu veux là on a dépassé les 100 épisodes et tout donc vraiment les anecdotes il y en a beaucoup qui reviennent et tout mais ce que j'aime dans ce podcast et c'est pour ça que je continuerai à le faire je prie Dieu de m'aider à le faire vraiment le plus de temps possible vraiment ce que j'adore là-dedans c'est que des fois les gens arrivent à me surprendre et là j'avoue que le coup du pendrillon et du seau je m'y attendais pas du tout. Ah, parce que moi, je me suis dit, tu vas me dire, tout le monde m'a déjà raconté celle-là. Qu'un organisateur vienne et me dise, mais écoutez, on va faire simple, je vais vous mettre un seau. Mais vraiment, il était convaincu de son idée. Hein. Il était convaincu, il pensait vraiment, il faisait ça pour bien faire, tu vois. Donc, c'est ça qui est très touchant. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Bien évidemment, on ne blâme pas les gens qui faisaient ça par ignorance, en fait. C'est vraiment, ça part d'un bon sentiment. C'est comme quand on nous dit, écoute, tu vas venir jouer chez nous, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tu leur demandes, vous avez tout ce qu'il faut, ils te disent oui. Et quand tu arrives sur place, tu leur dis, est-ce qu'il y a une scène? Est-ce qu'il y a du son? Et on te dit non, il n'y a pas de scène, il n'y a pas de son. Est-ce que les gens sont assis? Non, ils sont, ils s'assoient par terre, tout ça. C'est clair que ce que tu dis, c'est même très vrai, parce que j'ai même eu une fois un truc comme ça où on me dit oui, il y a tout, il y a une scène, il y a de la lumière, il y a tout, on fait ça régulièrement, tu vois, genre, bon, t'es rassuré, quoi, tu te dis ça va, ils connaissent. Et en fait, c'était des lumières de DJ. Donc en fait, j'avais des lumières, tu sais. En gros, il manquait plus que sous les sunlights des tropiques avec Gilbert Montagnier. Et j'ai joué avec des trucs, avec des espèces de stroboscopes, quoi. Enfin, je veux dire, c'est des galères, quoi. C'est des galères parce que sur le moment, t'es pas bien. Puis sur le moment, t'as l'impression que tu fais mal ton métier. Enfin, tu vois, bon. Mais ça fait partie des choses formatrices. Totalement. Voilà. Mais qui font que maintenant, je demande toujours exactement une fiche technique du lieu où je vais. Voilà, mais c'est ce qu'il faut. Et encore, hein, même avec la fiche technique, des fois, tu as des belles surprises. C'est Marie Églantine qui m'a raconté ça. Elle avait une fiche technique. On lui a assuré que tout était disponible. Hein. On lui a dit pas de problème pour les lumières, pas de problème pour le micro et tout. Et finalement, arrivé sur place, il n'y avait pas du tout ce qu'il fallait. Il n'y avait pas. Enfin, voilà. C'est arrivé aussi à Guy Montagnier qui avait eu la gentillesse de me raconter ça avec son épouse. Et donc Guy Montagnier et Sylvie Rabouté, lui, il a mis une fiche technique claire avec un nombre de lumières, un nombre de spots, tout ce qu'il fallait et tout. Arrivé là-bas, il a vu qu'il n'y avait même pas le dixième de ce qu'il fallait, quoi. Donc en catastrophe, ils ont dû faire venir quelqu'un qui a vite arrangé la sauce. Quelqu'un qui a amené du matériel en mode premier secours, quoi. Et il a pu faire le spectacle correctement, mais à la base, on lui avait promis quelque chose sur la fiche technique qu'il n'y avait pas, quoi. Ah bah ouais. Écoute, mais tu vois, ça fait partie du fun, on va dire ça comme ça. Pour rester zen dans ces moments-là, ça sert à rien de s'énerver, hein, parce que. Mais c'est sinon, ça fait partie. Quand il t'arrive ça, en fait, quand il t'arrive ça, ce qui va se passer, c'est que dans ta tête, t'as les nerfs vraiment, t'es pas bien. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en tant qu'humoriste, on a toujours le réflexe de se dire, ça fera une bonne anecdote. Ouais, voilà, c'est clair. Et c'est quelque chose en plus qu'on apprend avec le temps. Voilà, parce qu'au début, c'est vrai qu'on est très stressé, etc. Mais après, au fil du temps, je trouve que c'est vrai qu'on peut plus vite se détendre et on peut plus vite intégrer. Enfin, en fait, de toute façon, le principe d'humoriste, c'est d'accepter toutes les emmerdes et d'en rire. Donc, autant, voilà, ça donne des nouvelles choses à raconter. Non, mais totalement. Et tu disais tout à l'heure que, genre, on demande des trucs minimum, genre, tu sais, des lumières, tout ça, les bonnes lumières. Parce que là, toi, on t'avait donné de la lumière, mais on t'avait pas donné les bonnes lumières. On t'avait donné Ah un bah truc oui. plus en mode discothèque. Et c'est quand Voilà. même dommage. Enfin, voilà. Nous, en fait, les humoristes, le problème, c'est que l'humour, c'est tellement une science inexacte, tu vois, Ouais, c'est tellement clair. dur, que le minimum qu'on demande, c'est d'avoir les meilleures conditions. Tu sais, c'est comme quand tu demandes à quelqu'un, tu lui dis, bah, y a pas de micro? Et il te dit, oh, mais t'en as pas besoin dans cette salle. Et toi, tu sais que le micro va t'apporter une assise supplémentaire Ah pour oui, pouvoir mieux capter l'attention bien des gens. sûr, bien sûr, Voilà. Donc, c'est pour bien ça sûr. que c'est vraiment dommage. Et ça part toujours d'un bon sentiment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais le problème, c'est que les gens ne se rendent pas compte parfois que ce qu'on demande, ce n'est pas des caprices. C'est juste pour que les gens passent une meilleure soirée. Ah bah oui, bien sûr, évidemment. Ah, mais en tout cas, je compatis. Hein. Donc là, il y en a eu des. Ouais, là, franchement, ouais, j'avoue que c'est une belle galère, quoi. Jouer dans un endroit où tu n'as même pas de loge, ni de toilette, jouer devant des gens bourrés, et qui se gavent de choucroute. Ils mangeaient pendant que tu jouais? Ouais, ils ont mangé pendant que je jouais, ouais. C'était Ah, terrible. alors ça, c'est C'était terrible. pire. Ça, C'est-à-dire c'est que pire. j'étais en plein spectacle, mais en plus spectacle quand même un peu théâtral, donc il n'y a même pas de noir entre, il y a pas de sketch, quoi, tu vois, donc c'est vraiment tout du long. Et j'entendais les gens qui disaient, tu me passes les saucisses? Tu vois, c'était magnifique. C'était magnifique. Et tout ça dans une odeur de choucroute. Moi, j'adore la choucroute, hein, mais quand même jouer dans une salle avec 300 personnes qui mangent de la choucroute, ça reste un moment épique de ma vie, oui. Est-ce que tu pensais vraiment, en toute sincérité, Véronique, on se dit la vérité, tu vois, est-ce qu'en toute sincérité, tu pensais que quand tu as commencé ce métier d'humoriste, tu aurais un jour la chance d'accéder à ce rêve suprême de jouer devant des gens qui mangent de la choucroute? Non, non, mais je t'avoue que je garde ça comme une espèce de grand privilège, parce que je me dis finalement, c'est une belle histoire, tu vois, c'est une belle histoire que je pourrais raconter même quand j'aurai, je sais pas moi, 95 ans, tu vois, je pourrais raconter ça à mes arrière-petits-enfants en Ah disant, bah votre arrière-grand-mère a joué devant des gens qui mangeaient de la choucroute. Donc voilà, mais c'est chouette, c'est chouette. Moi, ça me fait Non, beaucoup mais rire, tout ça. ah ben c'est ce qu'il faut. Heureusement qu'on peut en rire, tu vois. Heureusement Ah qu'on en bah tire une oui, force. bien sûr, bien sûr. Voilà, bah, la bonne nouvelle, c'est que soit ça fait une bonne anecdote et qu'on peut raconter après entre copains ou dans des podcasts, soit ça fait carrément, et c'est là que vraiment je suis content des fois quand ça se passe comme ça, c'est que des fois ça nous donne carrément du nouveau matériel sur scène. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Voilà. On Tu est les as on est... racontées ces fois-là sur scène ou pas? Alors, cette fois-là, non, je ne les ai jamais racontées. C'est vrai que je n'ai jamais été les repêcher pour les raconter. Après, voilà, écoute, je te les raconte à toi. Voilà, moi, je suis ravie de faire ce Avec grand plaisir. podcast. Ben, je suis ravi d'avoir ce privilège, mais le coup du pendrillon et du saut, ça peut faire un petit set sympa, je Pour le pense. prochain spectacle, il y a de l'idée. Je vais garder ça dans un coin de ma tête. Peut-être que tu as raison. Peut-être qu'il faut que j'en fasse quelque chose. Mais merci beaucoup, Véronique, pour toutes ces anecdotes. Et où est-ce qu'on peut te retrouver Avec sur les réseaux sociaux? Écoute, on peut me retrouver sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, avec la nouvelle série Femmes de vie tous les dimanches et puis les capsules quotidiennes avec le chat. Enfin voilà, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux et j'espère bientôt sur scène, hein, j'espère. Ben merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Bisous à tous, même à toi là-bas.